Je me dis qu'il est bien dommage que cette plaie, quel chômage, ne frappe jamais ce qu'il faut. Ainsi la vieille décrépite, qui tapit dont l'ombre s'agite, pourrait enfin ronger sa faux. Telle une mère maquerelle, la mort, c'est toujours elle qui décidera pour nous tous. Futé comme pas de la garce, nous joue des tours, nous fait des farces, et dont ses maigres bras nous poussent. Chaque nouvelle mission, elle fait preuve d'invention pour briser un peu la routine. Elle déploie tout son génie de vrais trésors d'ignominie dont ses basses œuvres assassinent. Et lorsqu'un fou se voit tenté de fuir de se carapater, elle n'a qu'à prendre son temps. Elle sait que son heure viendra, c'est simple tout ce qu'elle aura à faire, c'est l'attendre au tournant. Cette maudite activité a depuis une éternité de sacrés beaux jours devant elle. Dieu n'est pas prêt de licencier celle qui depuis tant d'années est vraiment l'employé modèle. On peut espérer qu'un beau jour, elle décide qu'à son tour, elle mérite un peu de repos. Et s'il pouvait être éternel, la vie n'en serait que plus belle. On sauverait tous notre peau. Elle aura laissé la place. Les prétendants seront nombreux. Il y a tant en ce bas monde de pervers, d'infâmes, immondes, prêts à tout qui seront heureux. Quand la faucheuse enfin prendra sa retraite et nous quittera, qu'elle remisera sa faux. Quand elle aura cassé sa pipe, on trouvera toujours un flic pour faire le sale boulot. Thank you. Claire n'est pas là, mais Eva est là et fait du bruit en soutien. Laurent à la basse et Michael à la guitare, chant, et puis d'autres instruments encore vont venir tout à l'heure, harmonica notamment. J'ai vendu mon âme au diable, que je suis devenu si détestable, que je ne me prends plus pour de la fionte, que même mon trou du son bon la monte. Tous mes amis m'ont oublié, ils sont partis jusqu'au dernier. Ma femme les a imités, ma propre mère m'a renié. Que j'ai vendu mon âme au diable, qu'on ne m'invite plus à une table, que je ne me nourris que de caviar, j'ai un petit souci, je suis avare. Je mange seul, c'est incongru, en faisant la gueule à mes grands crus. Je me fais des dîners aux chandelles, en compagnie de mon lave-vaisselle. J'ai vendu mon âme au diable, que je n'en chante plus que pour les notables, que je joue chaque été et pas pour Bézef à l'université du MEDEF. Dans les manifs on ne me veut plus, à coups de mornif je suis reçu. Sous les pavés c'est peut-être la plage, mais dans ma tronche c'est un carnage. Depuis que j'ai vendu mon âme au diable, que je ne parle plus qu'à mon comptable, que pour passer le temps, je boursicote, mes convictions d'antan n'ont plus la cote. Tout mon pognon, je garde pour moi, je file plus un rond à qui que ce soit. C'est bon de plus être sollicité pour des œuvres de charité. J'ai vendu mon âme au diable, que je suis devenu un gros minable, que je me suis lancé dans les affaires, histoire de faire du blé sans trop m'en faire. Voilà que je me prends pour De Niro, je suis gérant d'un casino. Une supérette, c'est pas très classe, j'aurais préféré Las Vegas. Il y a longtemps que j'ai vendu mon âme au diable, déjà mes petits lus ou mon cartable. J'en demandais le prix fort, je suis pas débile, pour me payer le château fort des Playmobil. Toujours avec Dasenko, en live sur le 895 de Dio. Voilà, et les deux premiers étaient des titres nouveaux, et la chanson qui vient est une vieille chanson, mais qui ne figure pas sur l'album, qui s'appelle La Java de la Dèche. Mmh. Y'a plus de clopes, plus rien dans le frigo, plus un seul habit propre à se mettre sur le dos. Y'a plus de riz, y'a plus de pâtes, plus une seule patate, et pour me consoler, plus rien à picoler. Allez, c'est la Java de la dèche, ce que je chante quand je suis sur la brèche. C'est la chanson que je gueule pour pas chialer, qu'on le pognon pour un autre m'a largué. Vaisselle, ça pourrit dans l'évier, je pue dessous les aisselles, mais y'a plus d'eau pour se laver. Aïe, le gaz est coupé, plus d'électricité, et ma dernière bougie a cramé cette nuit. Quel ennui, c'est la Java de la dèche, ce que je chante quand je suis sur la brèche. C'est la chanson que je gueule pour pas chialer, qu'on le pognon pour un autre m'a largué. C'est la Java de la dèche, ce que je chante quand je suis sur la brèche. C'est la chanson que je gueule pour pas chialer, qu'on le pognon pour un autre m'a largué. M'excuse pour la toux intempestive. Est-ce qu'on s'enrhume sous nos latitudes ? Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Nous avons Fantaisie d'hiver, une chanson joyeuse. On a parlé cet après-midi pendant l'interview de chansons qui n'étaient pas de nous, en tout cas pour les textes, qui étaient de poèmes d'auteurs locaux du 19e siècle que nous avions mis en musique. Fantaisie d'hiver en fait partie. C'est un poème d'Antoine Poyet. Triste et mort, l'on croit entendre une tendre rumeur. C'est une plainte presque éteinte d'amour. Un feu scintille comme brille le jour. Et cette flamme n'est qu'une âme qui va. Ce qu'en sa tête le poète trouva, c'est tout son rêve qui s'achève dans l'air. Il va plus vite que crépite l'éclair. son espérance, sa souffrance tout fuit. Rien ne lui reste qu'un seul geste, son bruit. La neige tombe sur la tombe d'or, plongée dans l'ombre la plus sombre, un mort. Et paf, le micro. Oui, pardon pour le micro que j'ai accroché. On va mettre un peu le feu, là. C'est cool. Merci, c'est tout. Une petite bouteille verte qui traîne. Voilà. Bah, il faut s'hydrater un peu, surtout avant la chanson qui vient. Que nous azons. Oh tiens, que nous azons. Le verbe, du verbe zazer. C'est beau, le verbe zazer. Que nous allons essayer d'interpréter sans clair. Ce qui va être difficile. Et on va faire ce qu'on peut. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Suena, charanguito de Bolivia, canta, canta, pajarito ahí arriba. Suena, suena, charanguito de Bolivia, canta, canta, pajarito ahí arriba. Y su vuelo nunca para en el cielo de mi alma. Y su vuelo nunca para en el cielo de mi alma. Suena, suena, guitarrita casi muerta. Canta, canta, gitanita sin frontera. Suena, suena, la grita casi muerta. Canta, canta, gitanita sin frontera. Y su canto nunca para en el campo de la nada. Y su canto nunca para en el campo. Suena, suena, cancioncita sin destino. Canta, canta, muchachita de mi sueño. Suena, suena, cancioncita sin destino. Canta, canta, muchachita de mi sueño. Y su amor nunca para en el calor de la cama. Y su amor nunca para en el calor de la cama suena, suena, canta, canta, oh, oh, oh. Et voilà, ce sera sans nul doute le seul titre qui figure sur l'album. Sueña, Sueña, l'album correspondance en tout cas. Le oui. Dernier, vrai premier, ça peut dire ça comme ça, qui est disponible, on l'a dit et rappelé. Alors pas encore dans tous les bons bouchers du son, chez tous les bons bouchers du son comme on dit, mais en tout cas chez les www.diasenko.com. D-I-A-S-E-N-K-O, Diasenko, qui voilà, boucle cette journée carte blanche en set live. Est-ce que c'est l'heure de la pause, messieurs? Je vois que Laurent retire tranquillement la basse, ou alors c'est un petit solo, une petite chanson guitare-voix. En tout cas, je vais essayer. Qui s'appelle La vie est dégueulasse. Nous n'irons plus au bois cueillir la marguerite, le chasseur aux abois du haut de sa guérite est prêt à zigouiller le moindre oiseau qui passe. On ose en gazouiller, la vie est dégueulasse. Je n'irai plus chanter au son de ma guitare sous ton balcon l'été. Après 10 heures du soir, interdit de jouer, dans les rues sur les places, il faut bien l'avouer, la vie est dégueulasse. Nous n'irons plus au bal, danser en amoureux, sans un gilet pare-balles, c'est bien trop dangereux, des bondes de balèzes, abreuvées de vinasses. Ils chantent la Marseillaise, la vie est dégueulasse. Je n'irai plus dormir sous ta couette pépère. J'ai trop peur de mourir entre les bras de ton père. Depuis qu'il nous a surpris dans ton lit, hélas, il veut ma peau, c'est sûr, la vie est dégueulasse. Nous ne passerons pas devons monsieur le maire, nous mettre la bague au doigt. Quoi qu'on pense ta mère, il faudrait inviter ton oncle le vieux Salas, qui ferait tout capoter, la vie est dégueulasse. Je ne t'écrirai plus de poèmes enflammés, si tu ne les as pas lus, ta sœur s'en est chargée. Elle croit qu'ils sont pour elle, cette pauvre bécasse. Depuis elle me harcèle, la vie est dégueulasse. On va faire une petite reprise, là, pour le coup, de quelqu'un qu'on aime beaucoup, et on va essayer de pas trop le massacrer. C'est Affaire Rimbaud d'Hubert Félix Thiéphen. la jambe de Rimbaud, de retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils. Dérive on immondice à travers les égouts, la beauté fut assise un soir sur ce genou. Horreur à rare Arthur, et tu l'as injurié. Horreur à rare Arthur, tu l'as trouvé amère, la beauté. Une saison d'enfer foudroie l'Abyssinie. Aux sorcières, aux misères, aux haines, aux guerres, voici le temps des assassins que tu sponsorisas. On livrant tous tes flingues au royaume de Shoah. Horreur à rare Arthur, au Bintelet, au château. Horreur à rare Arthur, quelle âme Arthur est son défaut. La farce plus tranquille quand il chante au profit des derniers d'Anakil. Juste une affaire d'honneur mouillée de quelques larmes, c'est quand même un des leurs qui fournissait les armes. Horreur à rare Arthur, t'es vraiment d'outre-tombe. Horreur à rare Arthur, et pas de commission. Horreur à rare Arthur, et pas de cresson bleu. Horreur à rare Arthur, où la lumière pleut. Qu'est-ce qu'on se fait après? Ce que tu veux. Je sais pas, on enchaîne sur Cancionero. Voilà, ouais. Ok, alors il faut que je m'arme de mon matériel. Una canción pa' ti quería escribir, pero ya no estás aquí. Dime quién me va a oír. Cancionero, cancionero, por campos y calle, toca mi guitarra. Cancionero, cancionero, no me escucha nadie, pero no me importa. Cuando entro en un bar, quiero cantar algo. Todos me miran mal, por eso nunca canto. Cancionero, cancionero, por campos y calles voy con mi guitarra. Cancionero, cancionero, no me escucha nadie, pero no me importa. Cuando en una plaza me pongo a tocar, porque siempre pasa un carro militar. Cancionero, cancionero, por campos y calles voy con mi guitarra. Cancionero, cancionero, no me escucha nadie, pero no me importa. Cuando en un escucha alguien, siempre está cargado y duerme muy, muy bien. Cancionero, cancionero, por campos y calles voy con mi guitarra. Cancionero, cancionero, no me escucha nadie, pero no me importa. Quería escribir solo una canción. Me voy a despedir. Gracias por su atención. Cancionero, cancionero, por campos y calles voy con mi guitarra. Cancionero, cancionero, no me escucha nadie, pero no me importa. Et avec toutes mes excuses pour le petit trou de mémoire au milieu. Alors on va terminer, si j'ai bien saisi, en solo guitare-voix, Michael. Voilà, je fais une petite chanson. Laurent a retiré définitivement la basse. ça y est, Diasenko a splitté, c'est le bordel. On le rappelle, oui, Diasenko, trio, Claire, que l'on salue aussi, qui n'est pas là, mais c'est Claire, Laurent, Michael qui composent ce trio Diasenko. On te retrouve donc pour deux petits morceaux pour terminer. Voilà, deux petites chansons pour terminer. Une petite reprise de Renaud, que je vais essayer de pas trop massacrer non plus, qui s'appelle Trivial Pursuit. Question d'histoire d'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé? Sous quel champ de ruines? Question d'histoire encore, combien de victimes? Combien de milliers d'enfants dans les décombres, les camps? Deviendront combattants, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaki? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa, pour flinguer les lois? Combien de petits blonds, de colons arrogants se partagent la terre? Et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffle-moi. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent? Derrière des barreaux, 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, chez ces petits juges en bois, dont on fait les salauds? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin, si tu sais toi, souffle-moi. Ses natures ou balancer ses ordures, aller à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres et égaux, libres mais dont le troupeau, égaux devant les bourreaux. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais toi, souffle-moi. Souffle-moi. Souffle-moi. Excuse parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie d'un couplet. La dernière pour la route. C'est parti. Et merci à toi Lionel pour l'accueil et pour cet après-midi en ta compagnie. À fond. De tristeza fui a la taberna, me senté a una mesa y pensé. Un día de soledad llevado por mis piernas, perdido en mi ciudad yo canté. Canté que somos libres a pesar de lo que nos dicen los todopoderosos, desde el patrón hasta Dios. Un día de locura fui a la iglesia para darle al cura mi visión de lo que es el mundo, el real en la tierra, pero el iracundo me echó. Le dije que somos libres a pesar de lo que nos dicen los todopoderosos, desde el patrón hasta Dios. De mi casa, algún gardel ya no me escapé. Tuve ganas de gritar que todo es una farsa, que no hay nada que esperar, y grité. Grité que somos libres a pesar de lo que nos dicen los todopoderosos, desde el patrón hasta Dios. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta esté muerto, llévenme al puerto y échenme a la mar. Nunca podré aguantar estar enterrado, solo encerrado. Si me puedo escapar, yo saldré pa' gritar. Cuando esté muerto, llévenme al puerto y échenme al mar. Nunca podré aguantar estar enterrado, solo encerrado. Si me puedo escapar, yo saldré para gritar. Gritar que somos libres a pesar de lo que nos dicen lo todopoderosos, desde el patrón hasta Dios. Gritar que somos libres a pesar de lo que nos dicen lo todopoderosos, desde el patrón hasta Dios.